propos de recherches secrets en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Le fauteuil fut enlevé à bout de bras et traversa toute la salle en se balançant. Ça prolote comme il chaloupe. Le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse. Qu'en canne-t-il? On l'avait approché d'une fenêtre et au milieu des sifflets, on le lança. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'image causa un choc et elle fit le tour du monde. Un moulage qui reproduisait la tête de la célèbre statue de François Rude qui orne la façade de l'Arc de Triomphe de son magnifique enthousiasme patriotique, ce moulage se trouva vandalisé le 1er décembre 2018 lors de l'intrusion d'émeutiers à l'intérieur du bâtiment. Le visage avait été coupé en deux comme par un coup de hache. Parmi toutes les photographies que la crise des gilets jaunes laisse derrière elle, voilà peut-être la plus répandue. Or, ce fait est significatif. On touche là un domaine où s'exacerbent de longue date les sensibilités collectives, le domaine des atteintes qui ont pu être portées d'âge en âge aux symboles nationaux. Tel sera notre thème ce matin, en dialogue entre le 19e siècle et le nôtre. Mon invité, Emmanuel Furex, professeur à l'université de Paris-Est-Créteil, s'est penché avec pertinence et sagacité sur les politiques de l'iconoclasme, c'est sa formule, depuis la Révolution jusqu'à la Troisième République. Il s'attache à décrire et à mettre en perspective une litanie, je le cite, de statues déboulonnées, de bustes brisés, d'emblèmes martelés, de drapeaux brûlés, de cocardes arrachées et piétinées. Voilà bien un sujet de curiosité que cet empire des signes et des images sur les âmes et sur les émotions populaires. Il a beaucoup à nous dire quant à la part de sacré qui perdure parmi toutes les prétentions de la raison impérieuse, quant aux liens multiformes que les régimes entretiennent avec la nation, quant à leurs fondements affectifs et à leur fragilité. Compte tenu du grand nombre de ceux qui se sont succédés en France au XIXe siècle, on ne s'étonne pas que la matière à considérer soit profuse. Il y a du désuet, bien sûr, dans tout cela à nos yeux, mais aussi bien des comportements qui résonnent de façon tout à fait familière, vous allez voir. Il est un peu plus de 11h ce matin quand Emmanuel Macron se rend à l'Arc de Triomphe, saccagé, hier. Le chef de l'État s'est recueilli devant la tombe du soldat inconnu. C'est un symbole de la nation qui a été pris d'assaut par des casseurs, la plupart vêtus de gilets jaunes. Sur les façades, des inscriptions hostiles à Emmanuel Macron. Et à l'intérieur, dégâts considérables, des actes condamnés d'hier très fermement par le président de la République et qui ce matin choquent. On a quand même touché à notre patrimoine, le patrimoine de tout le monde. Aussi bien le patrimoine des riches que des pauvres, de l'histoire de France. C'est vrai que c'est horrible de faire ce genre de choses. Très tôt ce matin, le nettoyage des façades a débuté pour effacer les traces de violence. Emmanuel Furex, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. C'était un reportage sur les vandalisations de l'Arc de Triomphe, un extrait du journal télévisé de 13h du 2 décembre 2018, le lendemain des événements, sur France 2. Le journaliste était Jean-Sébastien Fernandez. Nous voilà plongés dans la modernité de l'iconoclasme. Absolument. Une modernité qui a à la fois des échos frappants avec le 19e siècle et en même temps radicalement différent. Ressemblance ici, et différence, ça c'est chez nous. Voilà, on est en concordance et discordance des temps. De fait, les iconoclastes, si on peut les appeler ainsi, qui ont pénétré dans l'Arc de Triomphe, ont produit une image qui, vous l'avez dit tout à l'heure, a fait le tour du monde, est devenue autonome, a vécu sa propre vie et est devenue une allégorie. Cette allégorie est devenue celle d'une république blessée de l'intérieur, alors même que la figure qui a été ainsi détruite ne représentait pas la république. Le deuxième élément qui m'a frappé dans cet extrait, c'est la manière de désigner les gestes. Vandalisation, vandalisme, qui d'emblée discrédite les acteurs et qui, paradoxalement, est revendiqué d'une certaine manière par les acteurs qui ont inscrit sur les murs de l'Arc de Triomphe « Vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme » avec des accents un peu situationnistes qui nous ramènent quelques décennies en arrière. Alors, autre question, le choix du mot « iconoclasme ». En fait, cela nous renvoie jusqu'à Byzance, au 8e siècle. Alors là aussi, on est dans une espèce de fausse continuité. En effet, l'iconoclasme renvoie à une histoire religieuse longue, celle de la querelle des images. Iconoclasme, ça veut dire qu'on détruit les icônes. Ça veut dire la destruction des icônes, des images saintes. Et la querelle des images porte sur la capacité, ou non, à vénérer des images sacrées et à représenter, à Byzance, la double nature humaine et divine du Christ. Ça avait fait des dizaines de milliers de morts à l'époque. Absolument, et d'une certaine manière, l'iconoclasme protestant au XVIe siècle a rejoué cette même scène autour d'une querelle portant sur le principe même de la représentation du divin. Iconoclaste et iconodoule, on disait, ceux qui servaient et aimaient les images. Exactement. L'expression iconodoule étant devenue pour le coup désuète, pour reprendre votre adjectif du début. Le mot d'iconoclaste est donc ancien, le mot d'iconoclasme est plus récent, vous l'avez vérifié. Il est apparu en effet au 19e siècle, il désigne l'acte de détruire des images religieuses au départ, mais c'est en un autre sens que je l'entends, c'est-à-dire de manière beaucoup plus massive, tous les gestes de destruction ou d'altération des images en général et pas simplement des images saintes. Et la question sous-jacente n'est plus celle de la représentation du divin, mais le signe auquel réfère l'image. Et donc, c'est une querelle autour des signes davantage qu'une querelle autour de l'image comme représentation qui m'a intéressé. Des signes dont les références sont explicitement politiques plus que religieux. Vous citez les portraits de souverains, les cocardes ou les drapeaux, les fleurs de lys ou les aigles, les pièces de monnaie, les timbres, les cachets, toutes sortes d'objets iconiques fort, qui porte des images, des arbres de la liberté, des statues, des monuments commémoratifs, etc. Oui, si on observe tous ces gestes sur le 19e siècle, on a affaire à une sorte de bric-à-brac de signes qui vont effectivement des portraits de souverains peints ou sculptés ou gravés, jusqu'aux pièces de monnaie, en passant par les drapeaux, les cocardes, mais aussi les monuments commémoratifs, effectivement. Les arbres de la liberté. D'ailleurs, ce bric-à-brac, en réalité, il y a trois opérations politiques qui sont visées. C'est le marquage de la souveraineté, à un moment où cette souveraineté, elle est fragile, elle est discutable, elle est manipulable, avec cette alternance de régime que vous évoquiez tout à l'heure. La deuxième opération politique, c'est celle qui consiste à marquer le territoire et aussi à le diviser par des monuments contestés. Et puis la troisième opération politique, c'est l'affichage individuel des opinions qui donne lieu à de multiples conflits, parfois qui se nichent sur les vêtements, sur les fleurs emblématiques aussi, des fleurs de lys aux œillets, en passant par le thym. Le thym étant l'emblème de la montagne, de la République démocratique et sociale autour de 1848. Le thym, THYM. Exactement, qui pousse sur la montagne, d'où l'usage de cette symbolique. L'iconoclasme à vous suivre, ce serait, vous le dites, une souveraineté populaire en acte ? Alors, l'une des interprétations possibles, ça n'est pas la seule, mais en tout cas, au 19e siècle, s'attaquer au signe du souverain, c'est aussi, d'une certaine manière, s'ériger en souverain éphémère, bien sûr, mais souverain tout de même. Ce qui nous conduit tout droit à la période fondatrice, séminale de la Révolution française. séminale parce qu'elle marque une forme de laïcisation de l'iconoclasme qui n'est plus donc cette querelle des images que j'évoquais précédemment, mais l'effacement graduel des signes devenus intolérables qui accompagnent la régénération révolutionnaire de la société. Avec dans les mémoires souvent, surtout du côté évidemment de la contre-révolution, une tendance à faire recouvrir l'iconoclasme par le vandalisme. La Révolution n'a pas inventé l'iconoclasme, en revanche elle a inventé le mot vandalisme qui est une création de l'abbé Grégoire après Thermidor. Il a dans ses mémoires raconté qu'il avait inventé le mot pour tuer la chose, c'est-à-dire dénoncer à travers le vandalisme la destruction aveugle, pulsionnelle des monuments d'art. Et donc, assimiler les iconoclastes à des vandales, c'était les réduire effectivement à des barbares, à chasser de la cité. Et ce discrédit porté au vandalisme traverse l'histoire du 19e et du 20e et du 21e siècle, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'épisode de l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas que les objets, il y a aussi le vocabulaire qui est le fait d'un certain vandalisme, je pense. La manière dont on a, par exemple, rebaptisé des villes, Grenoble est devenue Grelibre. C'est aussi une révolution dans les mots, dans le calendrier, et l'iconoclasme est le pendant symbolique, iconique de cette régénération qui s'est faite graduellement et beaucoup moins massivement qu'on ne l'a dit. C'est-à-dire que une première phase autour de 1790 a visé les signes de la féodalité, donc les armoiries, mais avec des discussions, en particulier à Paris, entre la municipalité, les citoyens, les propriétaires, dans une sorte de jeu triangulaire, chacun défendant sa propre conception des signes. Et de fait, seules les armoiries visibles depuis la rue, depuis l'espace public, ont été visées dans un premier temps. La deuxième vague intervient autour de 1792, au moment de la chute de la monarchie, où des citoyens se sont précipités sur les statues royales pour les abattre et accélérer le transfert de souveraineté dont je parlais tout à l'heure, avant même que la République ne soit véritablement proclamée. Et puis, on a, je dirais, une accélération et une intensification de l'iconoclasme autour de 1793-1794, et qui s'est en particulier cristallisé autour des signes religieux au moment de la déchristianisation. Il y a un moment très fort, c'est celui de l'exhumation des sépultures royales à Saint-Denis. Le 14 octobre 1793, le témoignage le plus important est celui du fameux Don Poirier qui l'a raconté, de la façon que voici. C'est une lecture de Jean Bollery dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture le 21 novembre 2001. Le lundi 14 octobre 1793. Ce jour, après le dîner des ouvriers, vers les 3 heures après-midi, on continua l'extraction des autres cercueils des Bourbons. Celui de Louis XIII, mort en 1643, âgé de 42 ans. Celui de Louis XIV, mort en 1715, âgé de 77 ans. De Marie de Médicis, deuxième femme de Henri IV, morte en 1642, âgée de 68 ans. D'Anne d'Autriche, femme de Louis XIII, morte en 1666, âgée de 64 ans. De Marie-Thérèse, infante d'Espagne, épouse de Louis XIV, morte en 1683, âgée de 45 ans. De Louis, dauphin, fils de Louis XIV, mort en 1711, âgé de près de 50 ans. Remarque. Quelques-uns de ces corps étaient bien conservés, surtout celui de Louis XIII, reconnaissable à sa moustache. Louis XIV l'était aussi par ses grands traits, mais il était noir comme de l'encre. Les autres corps, et surtout celui du grand dauphin, étaient en putréfaction liquide. Eh bien voilà un spectacle, n'est-ce pas, Emmanuel Furex? Un spectacle bien macabre, en effet, mais tout à fait significatif de ce moment révolutionnaire qui a consisté à arracher les entrailles même, au sens propre et figuré, de la monarchie en son temple saint qu'est la basilique de Saint-Denis, avec une volonté donc de désincorporer la monarchie et de s'attaquer parfois physiquement d'ailleurs aux cadavres des rois et des reines qui ont pu être alternativement giflé, poignardé par certains sans culottes présents sur les lieux. Et ce spectacle est devenu par la suite, de même que le vandalisme, une sorte de signe négatif à ne plus répéter au cours du 19e siècle. Et de fait, les attaques d'ossements, les attaques de tombeaux ont été beaucoup moins importantes au 19e siècle, y compris sous la Commune, qu'elles l'ont été sous la Révolution. Avec déjà cet entre-là entre la religion et le politique qui va marquer toute l'histoire du 19e siècle, le trône et l'autel ou le trône sans l'autel. Effectivement, il y a une laïcisation de l'iconoclasme que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque les régimes unissent le trône et l'autel, mélangent le religieux et le politique, on ne peut s'attaquer à l'un sans s'attaquer effectivement à l'autre. On le verra sans doute tout à l'heure à propos de 1830. Alors portons-nous justement vers la Restauration. Il y a un iconoclasme contre-révolutionnaire à partir de 1814 et surtout après les 100 jours, au moment de la seconde Restauration. Il mérite qu'on s'y arrête un instant, Emmanuel Furex. Absolument. L'histoire est intéressante, en particulier lorsqu'elle est contre-intuitive. Et l'iconoclasme est souvent assimilé aux révolutions. En réalité, si on compare à l'échelle du siècle les moments iconoclastes, l'un des plus importants, sans doute le plus important, est celui de la Restauration. Donc un moment contre-révolutionnaire qui, paradoxalement, donc imite des rituels de la Révolution française, comme les autodafés de signes politiques. En l'occurrence, la Restauration s'est attachée à effacer de l'espace public l'ensemble des traces subsistant de la période révolutionnaire et impériale, à savoir les portraits bien sûr de Napoléon, mais aussi les drapeaux tricolores, quelques bonnets phrygiens qui ont pu persister et les arbres de la liberté qui ont été massivement abattus à l'occasion de la deuxième Restauration. Ça, ce n'est pas la dernière fois. Les arbres qui ont été plantés, 15 000 au moment du bicentenaire, ont été pour une part effectivement coupés après par des forces contre-révolutionnaires persistantes. Oui, c'est vrai que c'est une cible facile qui n'est pas assimilée à un bien patrimonial, à la différence de la copie de plâtre de la statue de rue de l'Arc de Triomphe, et par conséquent aisément attaquable en effet. Dans le chapitre des Misérables, Victor Hugo condense l'année 1817 dans un beau texte que voici. En 1817, dans les contre-allées du Champ de Mars, on apercevait de gros cylindres de bois gisant sous la pluie, pourrissant dans l'herbe, peints en bleu, avec des traces d'aigles et d'abeilles dédorées. C'étaient les colonnes qui, 2 ans auparavant, avaient soutenu l'estrade de l'empereur au Champ de Mai. On grattait les haines au Louvre. Le pont d'Austerlitz abdiquait et s'intitulait « Jardin du roi ». Au terre-plein du Pont-Neuf, on sculptait le mot « Redivivus » sur le piédestal qui attendait la statue de Henri IV qui avait été déboulonnée. À l'Odéon, sur le fronton, l'arrachement des lettres laissait encore lire distinctement « Théâtre de l'impératrice ». Fin de citation. Oui, l'effacement des traces est une tâche infinie, en quelque sorte. Sous la Révolution, cette difficulté était déjà apparue. Elle réapparaît sous la Restauration, malgré un travail de mobilisation administrative très spectaculaire, puisque toute la pyramide administrative du ministre de l'Intérieur, en passant par les préfets jusqu'aux maires et aux gardes champêtres des plus petites communes, sont mobilisés pour traquer les signes persistants de la période napoléonienne et révolutionnaire, violant même les frontières de l'espace public et de l'espace privé, enquêtant chez d'anciens bonapartistes notoires pour y découvrir, caché derrière une cheminée, un drapeau tricolore ou un buste de Napoléon. Et cette quête a suscité des résistances fortes de la part d'une fraction nostalgique de la période napoléonienne. Je vois qu'au moment de la Restauration, le maire de Juvigny, dans la Marne, explique à son préfet, je me suis transporté chez les différents habitants et j'ai fait détruire en ma présence des images, portraits, chansons qui avaient quelque rapport avec Bonaparte. Je puis maintenant vous garantir qu'il n'existe plus dans ma commune aucun vestige du dernier gouvernement. Généralement, ce sont les maires qui ont été le plus compromis avec les régimes précédents qui font preuve à cet égard de docilité à direction du nouveau. En fait, le monopole de la violence légitime, qui normalement appartient à l'État, est dans ces années-là violé par des royalistes intransigeants dans une certaine indifférence des pouvoirs publics. Et puis, il y a le cas de la Statue de la Liberté, à Dole, attaquée avec vivacité par un royaliste. Oui, c'est une histoire oubliée, hein, celle de cette heureusement que vous êtes là. De cet effacement des signes qui n'étaient pas si nombreux de la période révolutionnaire, mais tout de même, et qui est perpétré avec une indifférence ou une complicité effectivement des autorités. C'est aussi le signe d'une conception particulière des images qui ne vise pas simplement les référents derrière l'image, mais les émotions qu'elle suscite. C'est-à-dire que les arbres de la liberté, par exemple, sont visés non pas parce qu'ils symbolisent la liberté, mais parce qu'ils suscitent autour d'eux des espérances révolutionnaire, de la même manière que des violettes qui rappellent la présence napoléonienne, hein, c'est la fleur des 100 jours, la fleur du retour possible de Napoléon. Ces violettes ne sont pas perçues simplement comme des signes napoléoniens, mais des signes de mobilisation collective pour espérer une restauration de l'Empire. Et comme toujours, le Panthéon affiche ces évolutions. On exige qu'ils soient supprimés tous les ornements et tous les emblèmes étrangers au culte catholique. Ça se fait graduellement parce que la restauration, en l'occurrence, a fait preuve de davantage de prudence. Donc on a masqué dans un premier temps le bas-relief, enlevé l'inscription aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Mais le retour au culte catholique ne s'est exercé pleinement qu'à partir de 1822, donc relativement tardivement. Les signes, les traces mémorielles du passé, d'un certain passé, hein, ici la période révolutionnaire ou la période impériale, t'ont visé. Et il me semble qu'on a quelque chose de relativement neuf, du coup, qui se crée au début du 19e siècle, sous la Restauration, qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait observé sous la Révolution, c'est-à-dire sous la Révolution, c'était les signes d'institution du social, en quelque sorte, de la société que l'on visait, et pas nécessairement la trace de tel ou tel passé. Et cet iconoclasme mémoriel qui apparaît donc sous la Restauration a davantage d'écho avec ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire cette contestation massive de certains signes, en particulier coloniaux, en tout cas afférents à une certaine période de l'histoire. Je pense aussi, par exemple, aux monuments confédérés aux États-Unis ou aux statues de Cecil Rhodes en Afrique du Sud qui ont suscité tant de mobilisations et d'émotions collectives. Ou dans les pays baltes, le sort fait aux statues de l'époque soviétique. C'est aussi une logique comparable qui est à l'œuvre, effectivement. Vous nous dites que on paraît hésiter au moment de la restauration entre éliminer une souillure et comment dire, mimer une unanimité. On n'hésite pas, on essaie d'allier les deux de manière un peu artificielle, c'est-à-dire les traces de la Révolution sont perçues comme des souillures morales, des appels à la guerre civile, des résurgences de la terreur, et en même temps, autour de ces destructions de signes, autour de ces autodafés en particulier, on organise des fêtes publiques qui se veulent unanimistes, qui reconstituent une communauté politique unie, mais les autorités elles-mêmes ne sont pas dupes de leur propre jeu et ont bien conscience que cette unanimité est factice. Les cocardes, tricolores, les aigles, les bibelots bonapartistes circulent avec une frénésie impressionnante, à peu près autant que les chansons de Béranger. Absolument, on a toute une bimbeloterie napoléonienne et aussi libérale, mais moins importante, qui circule tout au long de la Restauration et qui montre cette résistance des signes et de la mémoire napoléonienne plus largement, au-delà de cette entreprise d'effacement qu'on évoquait à l'instant. Avec déjà l'esquisse de ce qui va marquer la période ultérieure, c'est-à-dire une tension entre la préoccupation patrimoniale d'un côté et le souci d'en finir avec un passé détesté. C'est ce qui apparaît déjà dans ce bref extrait d'un texte de Victor Hugo. C'est un pamphlet qui s'appelait « Guerre aux démolisseurs » qui, dans la seconde version, est de 1832 et qui est lu ici par Guillaume Gallienne sur France Inter le 13 juillet 2015. Le moment est venu où il n'est plus permis à qui que ce soit de garder le silence. Il faut qu'un cri universel appelle enfin la nouvelle France au secours de l'ancienne. Tous les genres de profanation, de dégradation et de ruine menacent à la fois le peu qui nous reste de ces admirables monuments du Moyen-Âge, où s'est imprimée la vieille gloire nationale, auquel s'attache à la fois la mémoire des rois et la tradition des peuples. Texte bref, mais frappant. Oui, incisif et assez commun, en quelque sorte, pour ce 19e siècle. La guerre aux démolisseurs reprend un motif récurrent qui est la dénonciation du vandalisme, des attaques au patrimoine, que ces attaques soient d'ailleurs proprement politiques, elles soient aussi spéculatives, puisque les travaux urbanistiques de ce 19e siècle s'accommodent d'un vandalisme beaucoup plus massif que, d'une certaine manière, le vandalisme politique et révolutionnaire. Beaucoup plus massif au 19e siècle, en tout cas. Alors, naturellement, il faut s'arrêter, vous nous y prépariez déjà, Emmanuel Furex, sur le moment des deux révolutions successives, c'est-à-dire 1830 et 1848. 1830 d'abord, en quoi votre sujet, c'est-à-dire l'histoire de l'iconoclasme, des symboles nationaux pris pour cible, en quoi cette période est-elle éclairante ? Alors, elle est éclairante d'abord dans la temporalité des gestes. Si on regarde au ras du sol le travail des insurgés sur les barricades, on constate que dès le 28 juillet 1830, c'est-à-dire au moment où les barricades sont érigées, ils s'attaquent aux signes du pouvoir, en l'occurrence aux fleurs de lys et aux drapeaux blancs des Bourbons restaurés. Comme s'il y avait une urgence frénétique à s'attaquer aux signes. Et ça nous dit beaucoup de ce rapport des hommes et des femmes du 19e siècle avec les signes politiques, c'est-à-dire avec cette croyance qu'en s'attaquant aux signes, on va accélérer le temps de l'histoire et s'approprier une parcelle de souveraineté. C'est Walter Benjamin qui, dans un texte célèbre, observait que les insurgés de 1830, précisément, s'étaient attaqués aussi aux horloges, comme si le temps révolutionnaire mettait un terme au temps continu du pouvoir pour introduire un temps qu'il appelle messianique. Je pense qu'il y a une analogie avec l'iconoclasme que je viens d'évoquer, rompre avec le cours du temps. Et dès le début de la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, le nouveau roi des Français, prend en compte ce poids du symbolique, à la fois dans la fidélité à la Révolution, il a combattu à Jemappes, une certaine fidélité à Napoléon, et à la volonté de marquer qu'il agrée la rupture de 89. Voilà, on arrive au deuxième temps. Il y a le temps de la fracture révolutionnaire sur les barricades et puis le temps d'après où dans l'espace public sont discutés les signes que l'on doit ou non détruire ou effacer. Et c'est une sorte de dialogue qui s'institue à ce moment-là entre les citoyens et le pouvoir. Et de fait, la monarchie de Juillet, très habile en la matière, a cherché à sonder les esprits, mesurer l'état de l'opinion, les rapports de force locaux, pour évaluer ce qu'il fallait détruire ou non. Était en jeu en particulier les signes de cette fameuse alliance du trône et de l'autel qui incarne d'une certaine manière la restauration, à savoir en particulier les croix de mission qui avaient été érigées tout au long de la restauration pour signifier cette reconquête religieuse des âmes et des cœurs. De quoi s'agit-il exactement, ces croix de mission? C'est des croix qui ont spectaculaires de plusieurs mètres de hauteur qui ont été plantées à l'occasion des quelques 1500 missions de restauration religieuse entre 1815 et 1830 et qui suscite beaucoup de controverses parce qu'elles sont placées en hauteur et constituent exactement ce que j'ai appelé des sémaphores civiques, c'est-à-dire comme des phares qui illuminent, mais en l'occurrence ces phares sont perçus comme des ténèbres par les opposants à la restauration qui illuminent donc l'espace urbain qui les environne. Louis-Philippe est à la fois habile et maladroit successivement. Il est habile quand il remplace les fleurs de lys, par exemple, dans le sceau de la nation par La charte sous forme d'un livre ouvert. Il le fait sous la pression populaire. Hein. C'est ce qu'on peut appeler une forme de cynisme aussi, ou de réalisme, d'exercice de la raison, dirait Guizot. Mais en tout cas, c'est sous la pression populaire, après une émeute spectaculaire, hein, après le sac de l'église Saint-Germain à l'Auxerrois à Paris, donc en février 1831. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'était à l'occasion d'une commémoration du 10e anniversaire de l'assassinat du duc de Berry. Cette manifestation a été perçue comme une sorte de début d'un complot possible de restauration légitimiste. Le duc de Berry, c'était le fils de Charles X. Le fils de Charles X. Qui avait vocation à devenir roi après celui-ci. Absolument. Qui avait été assassiné par Louvel au début des années 20. Et, en l'occurrence, ce service funèbre s'est accompagné de l'exhibition d'une image de l'enfant du miracle, le duc de Bordeaux, le fils. Et suite à ce service funèbre, la foule a pénétré l'église, saccager cette église, mais ne s'est pas contenté de ça, a opéré une épuration iconoclaste de la capitale, et on a trouvé des gestes analogues un peu partout en province, c'est-à-dire une destruction systématique des fleurs de lys et parfois de certaines croix au-dessus des églises. On retrouve encore une fois cette volonté d'abattre l'union du trône et de l'autel pour conjurer une possible restauration. Il y a en même temps un iconoclasme blanc qui fait symétrique. La passion autour des signes au XIXe siècle est véritablement impressionnante quand on fréquente les archives du temps, et les nouveaux signes du pouvoir, les bustes de Louis-Philippe notamment, mais aussi les drapeaux tricolores, sont visés par ces blancs dans leurs territoires les plus puissants, hein, à savoir l'Ouest et le Midi de la France. Le sort qu'on fait généralement au buste des souverains après chaque révolution et parfois avant peut annoncer le geste récent des citoyens qui se sont saisis du portrait d'Emmanuel Macron, président de la République, dans les mairies pour les voler et signifier une opposition sur la question du climat. Alors, c'est sans doute une continuité qui n'est pas consciente de la part des acteurs, mais qui me semble rien. En effet, peut-être les ont-ils lus. Peut-être. En tout cas, ce rapprochement est tout à fait intéressant, parce que les attaques au signe du souverain sont une manière de pénétrer par réfraction l'espace public, de prendre la parole à un moment où celle-ci est comprimée. Et donc c'est le cas en particulier, effectivement, hein, dans ces années 1830, peut-être le contexte d'aujourd'hui explique-t-il aussi cette forme inédite de protestation face peut-être à une forme de surdité du pouvoir. Nous avons récemment, dans une émission spécifique, parlé de l'évolution des offenses au président de la République, au chef de l'État en général. Alors venons-en à 1848, qui est un autre moment très, très important. Nous allons voir quel sort on fait au trône du roi des Français, symboliquement. Nous allons le voir notamment en écoutant cet extrait de l'éducation sentimentale de Flaubert. J'imagine que vous y attendiez, Emmanuel Furex. C'est une lecture sur la chaîne nationale dans l'heure de culture française, le 7 juin 1956. Je n'ai pas réussi à identifier le lecteur. Ils entrèrent dans un appartement où s'édentait au plafond un dais de velours rouge. Sur le trône en dessous était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entrouverte, l'air hilar et stupide comme un magot. D'autres gravissaient l'estrade pour s'asseoir à sa place. Quel mythe, dit Hussonnet, voilà le peuple souverain. Le fauteuil fut enlevé à bout de bras et traversa toute la salle en se balançant. Sa prolotte comme il chaloupe, le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse. Qu'en canne-t-il? On l'avait approché d'une fenêtre et au milieu des sifflets, on le lança. Pauvre vieux, dit Hussonnet en le voyant tomber dans le jardin, où il fut repris vivement pour être promené ensuite jusqu'à la Bastille et brûlé. Alors, une joie frénétique éclata, comme si à la place du trône un avenir de bonheur illimité avait paru. Et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacéra les glaces et les rideaux, les lustres, lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets, tous les meubles, jusqu'à des albums de dessins, jusqu'à des corbeilles de tapisserie. Puisqu'on était victorieux, ne fallait-il pas s'amuser? La canaille s'affublait ironiquement de dentelles et de cachemire. Des crépines d'or s'enroulèrent aux manches des blouses, des chapeaux à plumes d'autruche ornaient la tête des forgerons, des rubans de la Légion d'honneur firent des ceintures aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice. Les uns dansaient, d'autres buvaient. Dans la chambre de la reine, une femme lustrait ses bandeaux avec de la pommade. Derrière un paravent, deux amateurs jouaient aux cartes. Hussonnet montra à Frédéric un individu qui fumait son brûle-gueule, accoudé sur un balcon. Et le délire redoublait son tintamarre continu des porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient en rebondissant comme des lames d'harmonica. Puis la fureur s'assombrit. Une curiosité obscène fit fouiller tous les cabinets, tous les recoins, ouvrir tous les tiroirs. Des galériens enfoncèrent leurs bras dans la couche des princesses et se roulaient dessus par consolation de ne pouvoir les violer. D'autres, à figure plus sinistre, erraient silencieusement cherchant à voler quelque chose, mais la multitude était trop nombreuse. Par les baies des portes, on apercevait dans l'enfilade des appartements que la sombre masse du peuple, entre les dorures, sous un nuage de poussière, toutes les poitrines haletaient. La chaleur de plus en plus devenait suffocante. Les deux amis, craignant d'être étouffés, sortirent. Dans l'antichambre, debout sur un tas de vêtements, se tenait une fille publique, en statue de la liberté, immobile, les yeux grands ouverts, effrayante. Ce texte de Flaubert est évidemment très, très célèbre, Emmanuel Furex. Il rencontre, dans l'ordre de la sévérité, de la distance, de l'ironie, assez bien compte d'une atmosphère, non ? Il est célèbre, il est absolument magnifique, et en même temps... terrifiant. Il est écrit avec la déception et l'ironie du désenchantement post-1848 qu'on peut aisément comprendre. Et du coup, on a le sentiment d'un déchaînement d'une horde de vandales. On évoque la canaille, une prostituée, une destruction massive des lustres, des tentures, etc., etc. Et l'affaire du trône Et l'affaire du trône, alors là, qui est au cœur de cet imaginaire 48 arts et qui est absolument fascinante. On a beaucoup de lithographies, d'ailleurs c'est le temps où les médias se développent. Alors, avant d'évoquer les images produites par là, je voudrais rappeler simplement les gestes, c'est-à-dire le fait que le peuple occupant l'espace des Tuileries s'est précipité dans la salle du trône, le peuple insurgé. Des discours ont été prononcés sur le trône et ce trône a ensuite été transporté à travers Paris, le long des boulevards, hissé au sommet des barricades et acheminé jusqu'à la place de la Bastille, au pied de la colonne de Juillet, c'est-à-dire le monument qui commémorait la Révolution 1830, mais le monument sous lequel se trouvent les ossements des insurgés de 1830. On a brûlé ce trône auprès des frères martyrs de la liberté en 1830 pour venger une révolution qui avait été, à leurs yeux, trahis en 1830, et donc accomplir leurs promesses, en quelque sorte, pour signifier la fin de la monarchie. C'était aussi une manière de montrer que la révolution de 1848 s'attaquait aux symboles, mais pas aux hommes, et on a pu parler du coup de régicide symbolique à travers ce trône brûlé. Mais je voudrais revenir aussi au texte de Flaubert, qui, malgré son ironie mordante, saisit au cœur des logiques anthropologiques qui sont passionnantes autour de cette occupation des Tuileries, c'est-à-dire la volonté d'occuper l'espace du pouvoir, la volonté de se livrer aussi à une sorte de saccage rituel que des historiens de l'époque moderne ont bien pu montrer à propos de la mort des papes à Rome, une volonté aussi de fouiller dans les entrailles du pouvoir. On parle de forcer les tiroirs pour découvrir les secrets des tyrans. Une volonté aussi d'épurer les signes. Ça, c'est peut-être moins montré dans l'extrait, mais en réalité, le peuple n'a pas détruit indistinctement l'espace des Tuileries. Il s'est attaqué à des signes bien précis, les portraits du roi, mais en revanche, à préserver certains signes qu'il jugeait compatibles avec le nouvel esprit de la Révolution. Par exemple, les portraits du fils de Louis-Philippe, du fils aîné, le duc d'Orléans, qui passait pour être le plus démocrate de la famille, ces portraits ont été effectivement préservés. Et de la même manière, une sorte de milice civique se met en place dans l'espace des Tuileries pour préserver le trésor, le patrimoine, et empêcher le vol, par exemple, d'objets en argent ou en or. C'est aussi le temps des débats sur le drapeau, puisque vous inscrivez les drapeaux. La question du drapeau rouge et du drapeau tricolore, avec le fameux discours de l'hôtel de ville de Lamartine. Oui, on est là au cœur d'une logique qui se répète à chaque révolution, c'est-à-dire la volonté d'instituer le nouveau pouvoir par la destruction des signes du précédent. Et le problème de 1848, c'est que le drapeau tricolore signifiait bien davantage que le pouvoir de Louis-Philippe. Et par conséquent, il a eu d'habiles défenseurs, dont Lamartine, face à Louis Blanc, qui lui préconisait l'établissement d'un nouveau drapeau, le drapeau rouge, celui de la République démocratique et sociale, c'est-à-dire d'une révolution indissolublement politique et sociale. C'est le lieu d'évoquer la citation que vous donnez en épigraphe de votre livre, beau livre qui s'appelle « L'œil blessé, politique de l'iconoclasme après la Révolution française ». Le mot de Louis Blanc dans son histoire de 10 ans, 1830-1840, le socialiste Louis Blanc, admirable prosateur, et qui écrivait « Comme c'est par les signes extérieurs que se fondent les pouvoirs humains, c'est aussi par là qu'ils s'écroulent. » Absolument, c'est magnifique. Là aussi, il répond parfaitement à un sentiment dominant des révolutionnaires du 19e siècle, et bien entendu du 18e siècle également. Mais derrière ce principe-là, il y a des droits concrets qui sont sous-jacents. C'est-à-dire, n'oublions jamais que l'exhibition du drapeau rouge est contemporaine de l'exigence du droit au travail. Et ensuite, des ateliers nationaux, effectivement, qui sont effectivement accordés. Donc, derrière le drapeau rouge, il y a des mobilisations sociales sous-jacentes qui sont décisives. Vous évoquez les arbres de la liberté. Beaucoup sont sciés après l'arrivée de la République conservatrice, après les journées de juin. C'est Victor Hugo, toujours lui, qui écrit, qui rappelle, on est en mars 48, qui écrit ceci. Le premier arbre de la liberté a été planté il y a 1800 ans, par Dieu lui-même sur le Golgotha. Le premier arbre de la liberté, c'est cette croix sur laquelle Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour la liberté, l'égalité et la fraternité du genre humain. Alors quand on les coupe ensuite, ça prend une portée différente. On retrouve cette mutation très rapide du sens des signes. Au printemps 1848, cette plantation très massive, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers d'arbres de la liberté qui sont plantés dans les communes de France. Pas toujours dans l'unanimité d'ailleurs qu'on a décrite, mais en tout cas, cette plantation se fait autour d'une réconciliation de l'Église et de la République. Croix et l'arbre fusionnent en quelque sorte dans un même signe. Et puis intervient l'insurrection ouvrière de juin 1848, noyée, comme on le sait, dans le sang, 4000 morts dans Paris, et un retour à l'ordre de la République qui rompt avec cette possibilité d'une République démocratique et sociale. Et alors, les signes de cette République démocratique et sociale, à savoir la couleur rouge, mais aussi les arbres de la liberté, perçus comme appel à une révolution permanente, ces signes sont systématiquement pourchassés dans l'espace public, graduellement, au cours des années 1848, 49, 50, 51, jusqu'au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et dans les débuts, naturellement, du Second Empire, après l'infâme coup d'État du président de la République qui renverse la République qu'il était chargé d'incarner et de diriger, les choses s'accentuent. On voit Morny, le ministre de l'Intérieur, envoyer au préfet des circulaires qui sont tout à fait conformes à celles de ses prédécesseurs. Il leur écrit en janvier 1852 « Les emblèmes les plus respectables perdent ce caractère quand ils ne rappellent que de mauvais jours. Ainsi, écoutez bien, ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, forment par eux-mêmes une touchante devise, mais comme on ne les a vus paraître qu'à des époques de troubles et de guerres civiles, leur inscription grossière sur nos édifices publics attriste et inquiète les passants. » L'idée qu'une notion bonne en soi peut être en quelque sorte dévalorisée par l'usage qu'on en a fait, c'est assez original, c'est consubstantiel à vos iconoclastes, Emmanuel Furex. Absolument, ces signes sont inscrits dans leur histoire et dans leurs usages. Les signes existent par la façon dont ils sont appropriés par les individus. Donc la devise liberté, égalité, fraternité, qui est une devise républicaine en soi, dans le contexte de 1851-52, apparaît comme une menace absolument révolutionnaire, puisque les républicains socialistes espéraient en 1852 l'élection d'une nouvelle assemblée conforme à leurs espérances. Il faut, pour aborder au dernier moment de notre conversation, Emmanuel Furex, sur les symboles nationaux pris pour cible, parler de la Commune, parler plus largement de la guerre de 70. Si on prend l'année terrible, encore Victor Hugo, dans son ensemble, c'est-à-dire le cycle ouvert par la révolution du 4 septembre 1870, la guerre de 1870, le siège de Paris et la Commune de Paris, l'iconoclasme le plus massif, paradoxalement, n'est pas celui de la Commune, mais celui de la révolution, entre guillemets, pacifique de septembre 1870, où on s'est attaqué très massivement aux signes de l'Empire, aux aigles, aux portraits de Napoléon III et de sa famille, iconoclasme totalement oublié dans la mémoire collective. Ça peut renvoyer finalement à l'histoire de Napoléon Ier, couvert de sang par un boucher en 1815. Oui, on a effectivement des échos là encore avec la période de la Restauration. Voilà, tu as voulu répandre tout ce sang national, eh bien en voilà sur toi. Oui, avec une volonté vraiment systématique, en particulier même dans des départements ruraux comme l'Ariège, de s'attaquer à ce que les républicains appelaient le plâtre, c'est-à-dire le buste de Napoléon III. Puis intervient le temps de la Commune et surtout le contexte de guerre civile. Il n'y a pas en effet, à la différence de la Grande Révolution, de projet de régénération totale de l'espace et du temps, même si on rétablit le calendrier révolutionnaire. Et les premières semaines de la Commune ne s'accompagnent pas d'un iconoclasme massif. C'est en réponse au siège de Paris, au bombardement par les Versaillais, que cette entreprise iconoclaste prend de l'ampleur. C'est le fruit de la guerre civile. C'est le fruit de la guerre civile, absolument, et pas d'une entreprise révolutionnaire, comme on avait pu l'observer un siècle plus tôt. Donc, est visé en particulier l'hôtel de Thiers, l'hôtel du traître, comme l'appelaient les communards, qui est effectivement démoli, est visé, bien sûr, la colonne Vendôme, hein, c'est l'épisode sans doute le plus célèbre de la Commune de Paris en tant que emblème de l'Empire, bien sûr, mais plus généralement du bellicisme et d'un ordre désormais révolu. Et puis, sont projetées un certain nombre de destructions qui n'auront pas lieu, effectivement, notamment la destruction de la chapelle expiatoire à la mémoire de Louis XVI qui constituait une insulte à la Révolution aux yeux des communards, ainsi qu'une chapelle aujourd'hui oubliée, commémorant la mort du général Bréard, assassiné par les insurgés de juin 1848, perçue elle aussi comme une insulte aux insurgés révolutionnaires de 1848. Vous citez Emmanuel Furex, vous citez la colonne Vendôme, la colonne de la place Vendôme. Elle a une portée qui dépasse ce moment précis où Gustave Courbet, comme président de l'Association des artistes, a présidé en quelque sorte à cette destruction. Mais dès les années de la Restauration, elle a une valeur symbolique, puisqu'elle signifie une fidélité, au contraire, aux victoires du Premier Empire. C'est le temps où le goctier Émile Debrault, grand ami de Béranger, chante une très célèbre chanson à la gloire de la colonne. Elle est ici interprétée par Raymond Souplex en 1964. Je ne vous la donne pas toute entière, elle est très longue. Quand on regarde la colonne, quand on regarde la colonne, Anglais fiers d'un jour de victoire, parvinrent rois conquis bravement. Tu prétends pour tromper l'histoire, imiter ce beau monument, imiter ce beau monument. Souviens-toi donc, race bretonne, qu'en dépit de tes factions, du bronze devint nation, nous avons formé la colonne, nous avons formé la colonne, nous avons formé la colonne. Et vous qui domptiez les orages, guerriers, vous pouvez désormais du sort mépriser les outrages. Les héros ne meurent jamais, les héros ne meurent jamais. Vos noms, si le temps vous moissonne, iront à la postérité. Vos brevets d'immortalité sont burinés sur la colonne, sont burinés sur la colonne, sont burinés sur la colonne. Les héros ne meurent jamais, pourtant bien des iconoclastes ont souhaité qu'ils mourussent. Je ne sais pas, ça dépend de quel héros on parle. Si on parle de l'empereur dont l'effigie surmonte la colonne, ou des simples soldats morts au cours des guerres napoléoniennes. En tout cas, cette colonne Vendôme, elle est une sorte de boîte sensible du 19e siècle, des régimes successifs, des crises qui les accompagnent. Donc la statue de Napoléon est démolie en 1814, au moment de la première restauration. Elle est réérigée sous une autre forme, sous la monarchie de Juillet. Et puis donc, en 1870-71, elle fait l'objet d'attaques massive, et pas simplement celle de Courbet, ce pauvre Courbet auquel on impute une responsabilité qui n'est pas la sienne. Il le paiera cher. Bien d'autres que lui ont aspiré au déboulonnage, c'est aussi un mot inventé par l'époque, déboulonné, au déboulonnage de cette colonne dès 1870, et elle est effectivement accomplie le 16 mai 1871 au cours d'une grande fête de souveraineté. C'était là probablement l'originalité de ce geste, en faire une fête de réappropriation populaire du centre de Paris après les travaux d'haussmannisation qui avaient en quelque sorte, même si il ne faut pas exagérer la chose, expulsé le peuple de Paris du centre de la ville. On a d'ailleurs des reportages photographiques de ce déboulonnage, ce qui est assez parlant quant à l'évolution de l'imagerie de l'iconoclasme. Nous parlions tout à l'heure des lithographies, mais cela vaut aussi évidemment pour la photo. Absolument, on connaît ce déboulonnage par une série de photographies, en particulier de Bruno Braquehey, photographie absolument magnifique qui montre ce une sorte de reportage, en effet, qui montre ce peuple souverain trônant sur les décombres des reliques napoléoniennes, sur les décombres de la statue de Napoléon, et montrant cette appropriation de souveraineté dont on a déjà parlé précédemment. Et de fait, le 19e siècle, par rapport à la Révolution française, par rapport à l'iconoclasme protestant, et un siècle où la démultiplication des images fait advenir toute une série d'images, de gestes iconoclastes qui deviennent des icônes. On a évoqué tout à l'heure le brûlement du trône en 1848, c'est le cas, hein, l'image fait le tour de l'Europe. Icône immatérielle, le geste devient icône. Absolument. C'est le cas aussi de la destruction de la colonne Vendôme, qui est illustré de bien des manières, la photographie bien sûr, mais aussi la gravure, la caricature. On voit notamment Courbet déboulonner toutes les colonnes de Paris hein, dans une de ces caricatures de la Commune elle-même d'ailleurs. La Commune, c'est aussi le dernier temps de l'iconoclasme dans les lieux de culte. C'est la fin en fait, c'est ce que vous montrez bien, c'est le dernier temps des relations entre iconoclasme et sacré religieux. Oui, même si la Troisième République va également connaître des conflits autour des signes religieux, des crucifix. Les inventaires. Après la loi de 1905. Même avant, hein, dès les années 1880. Mais de fait, un paroxysme est atteint avec la commune et une tension autour des lieux de culte qui sont réappropriés à l'occasion des clubs où se réunissent les communards le soir tombé. Avec parfois des gestes de profanation, mais qui ne sont pas, à proprement parler, déchristianisateurs. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire l'épreuve du divin à travers l'image ou la relique, à la différence de des gestes de 1793. Autrement dit, c'est pas la superstition religieuse qui est visée, c'est l'alliance entre l'Église et le gouvernement versaillais. Le trône et l'autel. À nouveau, cette résurgence, d'une certaine manière, du trône et de l'autel. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de gestes de perquisition dans les églises que c'est cet iconoclasme a lieu. Hein, c'est-à-dire qu'on recherche des signes de cette trahison, on recherche des armes cachées au milieu des tombeaux. Et c'est à cette occasion donc que sont perpétrés donc les gestes que j'évoquais. De la même manière que dans l'effort de guerre, on est encore une fois dans un contexte de guerre civile mais de guerre tout court, les objets porteurs de métaux précieux sont visés beaucoup plus que les reliques elles-mêmes. Donc on sent là aussi, malgré la similitude des gestes, le glissement de signification. On n'est plus dans la déchristianisation de 1793. Est-ce parce que vous aimez beaucoup ce 19e siècle, est-ce par une parfaite lucidité que finalement vous nous dites, Emmanuel Furex, que l'iconoclasme serait entré comme action politique dans l'ère de l'impuissance au 20e et au début du 21e siècle? Vous tenez fermement cette position? Alors, on observe une sorte de glissement, en effet, dans le rapport aux signes et aux images au fil du 19e siècle. Cette manière d'animer les images, d'embrasser le buste du roi, de le promener en procession, cette manière de rechercher dans les signes du ciel des signes politiques, hein, par exemple, d'apercevoir une lune tricolore en 1816. Cette manière d'animer, de vitaliser les signes, s'effrite au fil du 19e siècle et par conséquent, on observe une forme de pacification hein, du rapport aux signes et de rationalisation du rapport aux signes et aux images à la fin du 19e siècle. Ce qui ne signifie pas que les conflits ne persistent pas, hein, mais ils se traduisent moins par le passage à l'acte, par le martelage ou le déboulonnage. Les allégories de Marianne, par exemple, ne sont pas massivement attaquées hein, sous la Troisième République. Elles le seront, en revanche, sous le régime de Vichy. De la même manière, aujourd'hui, on retrouve des controverses autour des statues. J'évoquais tout à l'heure les statues coloniales, par exemple la statue du maréchal Bugeaud, qui est contestée. Mais c'est un autre rapport, à mon sens, au signe qui est ici à l'œuvre. C'est tout simplement la volonté de décolonialiser l'espace public avec des controverses, beaucoup plus que des destructions et des passages à l'acte, à la différence du 18e et du 19e siècle. Donc la Marseillaise de rue d'exception plutôt que symptôme. Absolument, absolument. Eh bien, je renvoie à nos auditeurs qui seront avide de plus de détails à votre très beau livre qui s'appelle L'œil blessé, politique de l'iconoclasme après la Révolution française. Et vous avez d'autre part dirigé un livre qui s'appelle Iconoclasme et Révolution de 1789 à nos jours, qui permet des comparaisons extrêmement fructueuses avec d'autres continents, par exemple les gardes rouges ou l'affaire des Bouddhas de Bamiyan et d'autres. Iconoclasme et Révolution de 1789 à nos jours, une édition Champvallon. Vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, recul loin en arrière, nous parlerons des femmes dans la préhistoire parce qu'il y a beaucoup de travaux récents et tout à fait éclairants et en particulier ceux de Claudine Cohen qui sera mon invitée. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitil de Gavrilov et aussi Claire Poinsignon, réalisée ce matin par Milena Elig, avec à la prise de son Dalia, la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Et dans quelques instants, Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.